la mer. Se reposer la tête, faire le vide, le temps passe, je suis pas réceptif au bonheur, je me rends triste. Du coup j'écris les pages de ma vie avec la plume de la douleur. J'ai plus de goût de rien, je veux relever la tête, réussir à regarder au loin la musique. Ma chère amie, la seule qui va pas me bébar, qui va pas me décevoir. Je laisserai couler la plume jusqu'à la déprime. J'ai voulu dans la brume, à travers mes yeux tout est gris. Je transpire la blessure, je me fais du mal à moi-même. Je trouve pas les solutions dans une bouteille, c'est la merde. Je me noie dans des vagues, je suis stressé. J'ai l'impression que j'étouffe, je me mets la pression. Du coup je perds mon temps à donner de la importance à des choses, à des gens, quand valent pas la peine. Je fais le beau, je veux qu'on m'aime, j'ai des défauts, j'en suis conscient, j'arrive pas à changer, ça me fait mal, ou j'ai pas envie de changer, ce serait plus ça. Je fais ma psychanalyse comme Sopra, je m'en fume la tête comme le rat, je veux trouver la paix intérieure, les bons karmas. Y'a qu'avec la mélancolie que je me sens bien, j'en peux plus d'être comme ça, y'a rien qui me plaît vraiment, ça me tue d'être comme ça, j'en veux plus de cette vie là, j'ai trop changé, je me suis vu changer, ça m'a déçu. Plus je grandis, plus je suis déçu, je m'appuie sur mes blessures pour avancer comme je peux, je fais ce que je peux, faute de mieux, on fait avec ce qu'on a, faut faire vibrer la bonne. Le bonheur, un jour on l'aura, je retapisserai les murs de mon monde à la couleur du bonheur. Je tracerai ma route au marqueur indélébile, là où la chance et moi seraient indéductibles. Ce qui tue pas rend plus fort, ce qui fait de toi un homme. On laisse tomber les valeurs pour le matériel. Notre mode de vie, c'est la course à notre perte. Je fais du son, ça me fait du bien. Si le rap c'est ma boîte, je rappe à perdre. Je veux l'horizon à perdre de vue, je suis en train de me perdre. J'observe à en perdre la vue, j'analyse trop. J'ai plus d'instinct, je m'applique dans rien pour pas mouiller, pour pas décevoir, pour pas me décevoir. Je suis aliéné par la peur de l'échec parce que je sais pas ce que je veux pour le moment. Je suis destiné à perdre. Gamin, je voyais les choses différemment. J'ai changé, mais pas tant que ça. Dans ma tête, j'ai encore 16 ans. Le temps est passé, je réécoute mes classiques. Je repense à la magie des premiers jours. Parce qu'avec toi, je voudrais faire un dernier tour. Je te lâche ce que j'ai dans la tête. Je te lègue mon inspire, tout ce que j'ai, ce que je suis, la vie. Comment je la vois, comment j'en ris. Dans le fond, comment je m'en fous. Rien n'a évolué comme je le voulais. J'ai du mal à l'admettre. Certaines personnes me manquent trop. Et contre ça, j'ai pas trop. Mais je te lâche la musique un temps. Parce que j'avais plus d'ambition. Je sais pas si je te parle ou si je me parle. J'ai plus envie de m'afficher. Ça met la pression, y'a trop de choses qui tournent pas rond. Je sais pas quoi faire, alors je m'éclate les neurones au pilon. Je fais la gueule, je parle à personne, j'agis tout en sachant que je vais regretter après. Je me sens comme une bouteille à la mer, je veux prendre le large, partir tout lâcher, plus de retour en arrière. Je me sens comme une bouteille à la mer, je veux faire le vide, être bien dans ma tête au moins une fois dans ma vie. Arrêter de cogiter, moi et la gamberge, je veux qu'on se quitte. Je me sens comme une bouteille à la mer, l'horizon m'appelle, je mets les voiles, ciao. Je me sens comme une bouteille à la mer, y'a tellement de choses qui tournent pas rond. L'horizon m'appelle, je mets les voiles, je me barre, ciao. Je me sens comme une bouteille à la mer, noyée dans les vagues de ma déprime. Je me sens comme une bouteille à la mer, une bouteille à la mer. Moi et la gamberge, je veux qu'on se quitte. Je me sens comme une bouteille à la mer, une bouteille à la mer. Noyée dans les vagues de ma déprime, ma déprime. Je me sens comme une bouteille à la mer, comme une bouteille à la mer. Moi et la gamberge, je veux qu'on se quitte. Je veux qu'on se quitte. Noyée dans les vagues de ma déprime, à travers mes yeux tout est gris. Je me sens comme une bouteille à la mer, comme une bouteille à la mer. Vegas, yeah.